Un artiste est un individu faisant œuvre, une œuvre, cultivant ou maîtrisant un art, un savoir, une technique, et dont on remarque entre autres la créativité, la poésie, l'originalité de sa production, de ses actes, de ses gestes. Ses œuvres sont source d'émotions, de sentiments, de réflexions, de spiritualité ou de transcendance. Dans un sens commun, et plutôt péjorativement, ou pour la disqualifier, on parle également d'artiste ou de poète à propos d'une personne étrange, marginale, oisive, rêveuse, qui fait n'importe quoi, de quelqu'un qui n'a pas le sens des réalités, des règles, et est parfois considéré comme rebelle, sot ou fou, mais qui peut aussi, à l'inverse, être apprécié comme faisant preuve de génie. Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro est ouvert, c'est à toi. Oh. Quoi, moi, je me sens concerné. Bon, des fois, c'est... Parce que bon, souvent, on se dit, par rapport à qui, à quoi. Moi, je dis mon avis, c'est ce que je pense, quoi. Personnellement, moi, ça me touche. Mais oui, mais... Enfin, je sais pas si... Non, mais ça, je suis d'accord, mais c'est le point de vue... Allez, ils disent, par exemple, si... Moi, je veux vous dire que... Bon, on dit... Non, en fait, moi, je voudrais poser la question... Mais, du coup... Moi, je pense, donc... Mais non, en fait, mais c'est vrai que c'est... Disons que... Et que voilà, quoi. Et je me dis que... Moi, je pense bêtement... Mais alors, j'en suis pas si sûre. Bah, ça dépend, enfin... Moi, je trouve, personnellement, moi, je suis... Je crois quand même que... Mais non, mais enfin, tout le monde... Non, disons... Enfin, je veux dire... Moi, je trouve... Je suis pas tellement d'accord à ce moment-là. Enfin, j'hésite entre les deux parce que d'un côté... conceptrice de jeux, concepteur de jeux, cuisinier, cuisinière, danseuse, danseur, designer, dessinateur, dessinatrice, écrivain, écrivaine, graphiste, graveuse, graveur, jongleuse, jongleur, magicienne, magicien, marionnettiste, mathématicienne, mathématicien, metteur en scène, metteuse en scène, mosaïste, musicien, musicienne, peintre, philosophe, photographe, plasticienne, plasticien, poète, poétesse, réalisatrice, réalisateur, sculptrice, sculpteur. Smart Liège, et donc j'avais envie de me poser un peu des questions sur ce statut, hein, la Smart Société Mutuelle pour Artistes, et on m'a branché plutôt sur un monsieur à Liège qui paraît-il s'y connaît super bien sur la question. Et donc petite présentation de vous-même en quelques mots. Bonjour, je m'appelle Maxime Dechêne, je travaille chez Smart depuis plus de 5 ans maintenant, d'abord comme conseiller ici au bureau de Liège, donc ce sont les personnes qui reçoivent les artistes, les techniciens et toutes les personnes qui travaillent avec nous pour leur donner les conseils de première ligne, leur apprendre à utiliser nos outils, leur aider à analyser leur situation sociale et fiscale par exemple. Et puis après, mon travail a petit à petit évolué vers ce que je fais maintenant. Et qu'est-ce que je fais maintenant ? C'est, je travaille pour une partie de Smart qui s'appelle l'Association professionnelle des métiers de la création, qui est la partie qui s'occupe, qui a comme mission principalement d'informer et de défendre nos membres. Donc c'est nous qui avons en charge toute l'analyse, par exemple, des modifications autour du statut de l'artiste, de comprendre ce qui se passe et de préparer les explications aussi bien pour les membres que pour nos collègues pour qu'ils puissent après le répéter autour d'eux. Ouais. Est-ce que, enchanté, Maxime, est-ce que vous pourriez un peu redessiner l'histoire avec ces grosses lignes du statut d'artiste, comment c'est né, pourquoi Alors, avant de commencer sur l'histoire du statut d'artiste en lui-même, il y a deux choses. Quand on parle de statut d'artiste, on parle souvent de deux choses différentes. En tout cas, les gens qui connaissent moins bien la situation parlent de deux choses différentes qui sont séparées, même si elles sont liées. Le statut d'artiste, et ça se voit dans la réforme qui est en cours actuellement, c'est deux volets. Il y a un volet qu'on appelle le volet social et qui est le vrai statut d'artiste, je l'expliquerai par après. C'est de déterminer, pour faire très simple, sous quelle relation contractuelle, quel type de contrat les artistes et les personnes qui travaillent avec eux, notamment les techniciens, vont pouvoir utiliser. Donc le type de contrat qu'il est possible d'utiliser et le type de sécurité sociale que ça apporte. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment le statut social de l'artiste. L'autre partie, qui est la partie qui en fait est le plus souvent appelée le statut d'artiste, même par les artistes eux-mêmes, mais qui n'est pas le statut social de l'artiste, c'est une conséquence indirecte du premier, qui est que quand l'artiste travaille dans des relations de salarié, il pourra sous certaines conditions avoir accès au chômage. Et dans ce chômage, dans les règles du chômage, il y a non pas une, mais plusieurs règles spécifiques qui ont été prévues pour le secteur, qui s'appellent, et je les expliquerai par après, règles du cachet et protection de l'intermittence. Et souvent, c'est ces règles du chômage que les gens appellent le statut d'artiste. Voilà, alors mon objectif aujourd'hui, c'est d'un peu clarifier la partie sur les contrats et d'expliquer un peu ces règles spécifiques du chômage, règles du cachet, protection de l'intermittence, et de voir d'où elles viennent. Et surtout, où est-ce qu'elles vont, puisqu'il y a une réforme en cours qui est en train de tout chambouler sur ces sujets. Bon, moi, je suis un petit peu... J'ai bien tout entendu, mais en un mot, j'ai compris qu'il y avait deux statuts différents, c'est ça ? Avec, en quelques mots, préciser le... C'est des contrats qui sont différents, en fait. Il y a deux statuts différents, il y a deux contrats aussi différents pour chaque statut. C'est ça ? Alors, donc là, je vais parler de la partie du vrai statut social de l'artiste. Il existe en Belgique trois catégories de statut social. Les fonctionnaires, les indépendants et les salariés. Tout le monde les connaît a priori. On va tout de suite arrêter de parler des fonctionnaires. Et un artiste, il pourra être indépendant ou salarié. Le statut social de l'artiste, il s'inscrit dans le système des salariés. Pourquoi dans le système des salariés ? Parce que c'est le système qui offre la meilleure protection sociale. Elle coûte plus cher en cotisation, mais on est une meilleure protection sociale des salariés que des indépendants. C'est le sujet de nombreux débats régulièrement, des indépendants qui trouvent que leur protection sociale n'est pas suffisamment protectrice. Et donc... Les artistes s'inscrivent depuis 2002 dans le statut social des salariés. Et effectivement, à l'intérieur de ce statut social des salariés, il existera deux types de contrats. C'est ça que vous citiez. Quels sont ces deux types de contrats ? Il y a la situation classique d'un artiste qui travaillerait comme n'importe quel salarié, comme n'importe quel employé, dans le cadre d'un contrat de travail. Un contrat de travail, c'est le contrat que n'importe quel salarié a son employeur. C'est un contrat dans lequel vous avez un employeur qui vous engage pour faire un travail. En l'occurrence, ici, il est artistique et il existe une relation, alors le terme est technique, mais c'est de subordination entre vous et votre employeur. Ça veut dire quoi très concrètement ? Ça veut dire que votre employeur décide de toute une série de choses. Il peut décider de vos horaires de travail, il peut décider du contenu de ce que vous allez faire. Il peut vous sanctionner si votre travail n'est pas fait correctement. Bref, un contrat de salarié classique que la plupart des gens connaissent, et c'est le contrat qui est utilisé par l'ensemble des salariés en Belgique. Je peux juste faire une petite parenthèse, mais du coup, c'est d'office un contrat à durée déterminée, on est d'accord, parce que sinon, la personne qui se fait engager par un employeur avec un contrat qui est parti pour... c'est d'office quelque chose. Ce qui est spécifique au contrat d'artiste, j'ai l'impression, c'est quand même la durée du contrat qui n'est pas indéterminée, voilà. Alors non. Il est d'usage fréquent, et malheureusement de plus en plus fréquent, que les contrats d'artistes soient de court et intermittent, c'est un terme qu'on entend régulièrement, mais rien ne l'oblige, et il existe, même si ce n'est pas la norme, de nombreux contrats de travail à déterminer pour des artistes. Les troupes permanentes de certains théâtres, de certaines grandes institutions qui ont... Des artistes qui sont engagés sous CDI et qui, donc comme toute une série d'autres professions, ont un contrat à durée, à déterminer, et qui réalisent un spectacle, et puis le suivant, jusqu'à ce que la relation de travail se termine, parce que c'est la pension ou parce qu'on a décidé d'aller voir ailleurs, comme dans la situation de n'importe quel employé. Alors là, on ne devient pas salarié? Avec un contrat comme ça, indéterminé, on devient salarié, et puis du coup, le contrat, le statut, ouais. On est d'office salarié, on parle de contrat. Donc il y a un lien contractuel, donc d'office, l'artiste sera salarié, on parle de ça. On est dans ce domaine-là. Ouais, mais j'essaye de comprendre vraiment c'est quoi le statut d'artiste, quoi. Parce qu'on a l'impression que le statut d'artiste, ça se définit via ses contrats. Entre autres, c'est l'aspect du statut social de l'artiste. Et puis, il y a l'autre volet qui est l'indemnité spécifique de chômage liée à l'intermittence, qu'on n'en a pas encore parlé. Mais je vais d'abord revenir. Donc, effectivement, avant de parler du volet chômage, je termine ce que j'avais commencé. Donc, comme je le disais, l'artiste, il est salarié. Son statut social, c'est d'être salarié, avec soit un contrat de travail, on vient d'en parler, qui peut être à déterminer ou court, comme n'importe quel employé, donc il est salarié comme n'importe quel salarié. Et alors, la grande innovation de la loi de 2002, donc en 2002, il y a eu cette première loi sur le statut social de l'artiste, en fait, il y en avait une en 69, si on veut un vrai historique, mais concentrons-nous. En 2002, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on dit, on fait quelque chose qui n'existe pour reconnue de catégorie de travailleurs en Belgique, c'est qu'on dit... Les artistes qui n'ont pas cette relation classique dont je parlais tout à l'heure avec leur employeur, de subordination, de contrôle, où la personne qui engage l'artiste va pouvoir lui dire à quelle heure il travaille, avoir un contrôle sur le contenu de ce qui est produit, etc. Il y a des personnes qui n'ont pas, des artistes qui n'ont pas cette relation-là avec leur employeur, qui en fait ont une relation avec leur employeur qui est plus proche de celle d'un indépendant. Mais il était décidé que leur sécurité sociale serait celle des salariés. Et donc on crée en 2002 un nouveau type de contrat que la norme a fini par appeler le contrat premier bis, parce que c'était un article premier bis de la loi qui instaurait cette possibilité-là, qui disait que pour les artistes qui ont un comportement d'indépendant, mais qui souhaitent quand même avoir la sécurité sociale des salariés, c'est-à-dire une meilleure protection sociale, que celle d'indépendant, c'était possible, alors c'est un autre type de contrat qui est conclu, c'est un contrat qu'on appelle le contrat premier bis, et donc la grande différence avec un contrat de travail, c'est que la relation entre la personne, le travailleur et son employeur n'est plus une relation d'employeur-employé, mais plutôt une relation comme un client et un indépendant. Donc c'est des personnes qui se comportent comme des indépendants, mais qui... sont en tout cas rattachés à la sécurité sociale des salariés, donc ils bénéficient de cette sécurité sociale-là. Dans ce cadre-là, contrairement au premier cadre, les contrats ne seront jamais à durée à déterminer, puisque évidemment, le concept de durée à déterminer n'est concevable que dans le salariat classique avec une relation de subordination. Si on engage quelqu'un pour, a priori, toute la vie, évidemment, qu'il se crée un lien de subordination entre les deux. Donc dans ce cadre-là, on n'aura que des contrats à durée déterminée, voire court et intermittent. Voilà, ça c'est les deux grands types de contrats qu'un artiste peut signer s'il n'est pas indépendant. Un contrat de travail ou un contrat premier bis. Dans les deux cas, il est rattaché à la sécurité sociale des salariés. Et la différence entre les deux se situe dans la relation qu'il a avec la personne qui l'emploie. Est-ce que c'est une relation plus traditionnelle d'employé ou est-ce que c'est une relation qui ressemble plus à celle qu'un indépendant aurait avec un client ? Les deux grandes possibilités qui ont été créées par la loi de 2002. À côté de ça, puisque on dit que l'artiste, il sera salarié, il a le droit d'être salarié, que sa relation de travail soit celle d'un salarié ou d'un indépendant, il a le droit à la sécurité sociale des salariés. Il fallait aller regarder qu'est-ce que ça veut dire avoir la sécurité sociale des salariés. Donc il y a différentes composantes dans une sécurité sociale, et une de ces composantes-là, dans la sécurité sociale des salariés, c'est le chômage. C'est une protection pour quand on est privé de travail ou quand on est hors de contrat. La protection qui fait vraiment beaucoup de sens dans le cadre du public dont on parle, puisque, on l'a déjà évoqué, leurs contrats sont régulièrement, même si ce n'est pas toujours, courts, intermittents. Et donc, il arrive plus fréquemment que dans d'autres secteurs d'avoir des périodes sans contrat ou des périodes entre deux contrats. Donc, le législateur, dans la législation chômage, il se fait que dire « c'est bien, vous êtes salarié, vous avez droit à la législation chômage comme les autres, c'est bien, mais il faut encore que les règles soient utilisables. » Dire « vous y avez droit, mais en fait les règles, elles ne sont pas faites pour vous, elles sont faites pour des gens qui ont des contrats à durée à déterminer, et dans le cas de plein de contrats courts, rien ne marche, ça aurait été inutile. » Et donc il y a deux adaptations qui ont été faites pour rendre le chômage vraiment utilisable par cette population, par les artistes, les techniciens, etc. La première règle, c'est ce qu'on appelle la règle du cachet. Qu'est-ce que c'est ? C'est une règle qui dit que pour avoir accès au chômage, la règle classique dit qu'il faut avoir travaillé un certain nombre de jours sur une certaine période. Alors, je dis un certain nombre sur une certaine période. Pourquoi ? Parce que ça dépend de l'âge. En tout, 36 ans, c'est une certaine quantité de jours. Au-dessus de 36 ans, c'est plus de jours. Donc, l'important, c'est de savoir que pour avoir accès au chômage, on va compter le nombre de jours que vous avez travaillé. Et si vous avez travaillé plus qu'un certain nombre de jours, c'est bien, vous avez accès. Si vous n'avez pas travaillé ce nombre de jours-là, vous n'avez pas accès. Eh bien, on sait bien que quand on enchaîne des petits contrats courts avec des périodes sans travail entre, comme les artistes, un nombre de jours est souvent difficile à atteindre. Donc, les artistes travaillent en moyenne moins de jours que le reste de la population par la nature intermittente de leur travail. C'est pas de leur faute, c'est pas qu'ils veulent pas travailler, c'est que ils doivent retrouver des contrats à chaque fois, sans compter qu'en général, on ne les salarie pas pour toutes des périodes essentielles qui sont la période de répétition et autres. Donc il fallait trouver une solution. La règle du cachet, c'est la solution qui a été trouvée, c'est de dire on va pas compter les jours, on va compter l'argent qu'ils ont gagné. Et donc plutôt que de mettre un seuil en nombre de jours de travail, il y a un seuil qui a été mis en quantité d'argent gagné sur une certaine période. Si vous avez gagné une certaine somme en salaire brut sur la période, alors vous avez accès au chômage. Ça, c'est la première des deux règles spécifiques les plus connues. La deuxième règle, c'est ce qu'on appelle la protection de l'intermittence. Le terme en lui-même va déjà donner un indice sur ce qu'elle fait. Elle protège les intermittents, et elle protège les intermittents contre quoi ? Eh bien, contre la dégressivité du chômage. C'est le terme technique, de nouveau, je l'explique. La dégressivité du chômage, c'est le fait que le chômage diminue au fur et à mesure du temps. Donc, au premier jour de chômage, on a une certaine somme, par jour ou par mois, et cette somme, elle ne fera que diminuer au cours du temps dans le système belge. C'était le cas avant, ça allait encore plus depuis 2012, où le nouveau gouvernement, pour se former, s'est mis d'accord, c'était un des points qui calait, de dire qu'il faut que ce soit encore plus dégressif. L'idée derrière ça étant de dire que c'est parce qu'on donne trop d'argent aux chômeurs qui restent au chômage, ce qui est un peu débile, mais c'est ce qui a été finalement voté. Et donc le chômage, vraiment, il diminue de façon relativement rapide pour avoir de moins en moins. Problème pour les personnes qui, structurellement, ont des périodes de chômage qu'ils ne peuvent pas éviter, puisqu'ils ont des contrats intermittents, c'est qu'au fur et à mesure du temps, dans leur carrière, ils ne se dirigent pas vers un CDI parce que c'est une denrée rare dans le secteur, on en a parlé. Et donc ils se retrouvent au fur et à mesure du temps à avoir de moins en moins d'argent de leur période entre leurs travaux. Et donc, ils étaient de moins en moins, ce qu'on appelle leur pouvoir d'achat, pour reprendre des termes qui sont beaucoup utilisés, ne faisait que diminuer au cours de leur vie. Et même s'ils développaient leur carrière artistique, ils avaient de plus en plus de contrats. Chaque fois qu'ils se retrouvaient dans une période creuse ou dans une période de création non rémunérée, ils auraient gagné de moins en moins d'argent. Et donc, la protection de la terminance, c'est une règle qui disait que si vous êtes employé uniquement dans des contrats courts, alors, à ce moment-là, vous allez pouvoir bloquer cette dégressivité du chômage. Il y avait de nouveau certaines quantités à respecter, mais le principe, c'était ça. C'est si on arrive à respecter certaines conditions, en tant qu'artiste ou technicien, on était protégé de cette diminution du chômage. C'était quelque chose qui se renouvelait tous les ans. Et donc, tous les ans, si on remplissait un certain nombre de conditions, on avait son montant du chômage bloqué pendant un an. Donc on évitait pendant un an la diminution du montant du chômage. Voilà, en gros, les différentes mesures qui ont été mises en place entre 1991 et 2002 pour les professions artistiques et qui font actuellement l'objet d'une réforme. Là, après, je te donnerai pas la parole, hein, François, mais c'est parce que sinon j'oublie, mais... Je vais dire, tu parlais au passé, là, tout de suite, avec ce que tu nommais, c'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas de dégressivité. On ne peut pas... le montant... Le montant de l'indemnité est non dégressive pour les artistes. C'est protégé, oui. Et ça, et aujourd'hui, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Donc, il n'y a jamais une non-dégressivité. La dégressivité a été renforcée en 2012. Et pour les artistes, il y a une non-dégressivité. Il y a un blocage si on respecte certaines conditions. J'en parle au passé, puisqu'il y a une réforme qui est en cours depuis le mois de décembre. Il y a toute une série de lois qui doivent passer pour cette réforme. Il y en a qui sont passées fin décembre. Il y en a une qui est passée ce lundi... Je crois qu'on était le 18 février, quelque chose comme ça, sur la partie chômage. Donc il y a des choses qui sont en train de changer. Donc j'en parlais au passé, parce que là j'expliquais les règles avant que ça ne change. Il existe toujours des protections, etc., mais les conditions et les mécanismes en ont été modifiés. Ce qui fait que quand je parle de ce qui existait avant, j'en parle au passé, et j'expliquerai plus tard ce qui est en train de changer. Et les modifications qui sont en train d'être apportées à ces règles. Okay, mais c'est important d'en parler au présent, il ne faut pas oublier ça. François, qu'est-ce que tu n'as rien à dire ? Non, je n'ai pas grand-chose à dire, j'ai plein de questions en tête, mais j'attends d'abord un peu le développement, quoi. De voir justement les aspects de la réforme peut-être, enfin, de voir qu'est-ce qui change alors, puisqu'on a compris qu'il y avait, il y avait au niveau du chômage la règle du cachet, et puis... l'indemnité non dégressive pour peu qu'on rende, j'imagine, des contrats d'artistes en bonne et due forme. Donc qu'est-ce qui change alors à l'heure actuelle ? C'est quoi les remous actuels ? Pourquoi est-ce qu'il y a des manifestations et des énervements dans le secteur ? Alors, il y a plusieurs choses qui changent. Il faut... Avant toute chose, avant d'expliquer ce qui change, je tiens à signaler que, comme je le disais, les changements pour la partie chômage, que j'expliquerai en deuxième lieu, ont été publiés lundi, qu'on est actuellement le lundi suivant. Donc ça nous a laissé 7 jours, dont 2 jours de week-end, pour analyser et éplucher tout ça. Et donc... Il reste encore pas mal d'inconnus dans ce que je vais dire. Je vais essayer d'être le plus clair possible sur ce qu'on sait comme étant des certitudes et sur les questions qui restent encore ouvertes. Et je ne pourrais pas tout affirmer en disant c'est comme ça, puisque ça vient de changer il n'y a pas une semaine. Donc les choses sont encore en cours d'analyse et de toute façon, une loi, quand elle passe, il y a une partie qui se lit dans la loi et il y a une partie qui se découvre dans la pratique. Parce que cette loi, elle est appliquée par des administrations, l'ONEM, l'ONSS, etc. Et on ne peut pas déterminer à leur place comment eux vont lire la loi, donc comment ils vont l'appliquer. Donc il y a des choses qui se découvriront encore au cours du temps dans les mois à venir. Cela étant dit, les grandes lignes des changements. Attention, là, il faut bien écouter, parce que... Hein. Première modification sur la partie sociale, donc sur la partie des types de contrats utilisables. Je rappelle deux types de contrats. Le contrat de travail, quand on travaille dans la même relation qu'un employé. Le contrat premier bis, quand on a plutôt un comportement d'indépendant, mais qu'on veut être salarié. Ajout dans la nouvelle loi, dorénavant pour utiliser le deuxième type de contrat, donc le contrat premier bis, il va falloir demander et obtenir un visa artiste, donc une approbation, j'allais dire un papier, mais ce ne sera peut-être pas un papier, ce sera peut-être une carte. Il va falloir demander une commission, la commission artiste, pour obtenir un visa qui permettra d'utiliser ce type de contrat-là. Ça, c'est le contenu du changement. Alors, je ne sais pas si j'explique les changements, tous les changements, et puis je fais la critique après, ou si vous préférez que je fasse un changement et toutes les critiques qui vont avec directement. Ça, c'est vous qui me dites ce que vous préférez. Ah, mais moi, j'aime bien que vous n'oubliez surtout pas de dire tout ce que vous... Ça peut être toutes les critiques, tous les changements, et puis vous... Ouais. Mais surtout, faites comme vous voulez, surtout. Ouais. Donc... Voilà, le fameux visa dont certains ont peut-être déjà entendu parler. On y reviendra par après, ce que ça apporte de positif et de négatif, cette réforme. La réforme sur les types de contrats qui existent est plus large que juste le visa et comporte toute une série d'autres aspects techniques, mais qui nécessitent un peu plus de temps à développer. Donc je me concentrerai ici sur ce que les gens... sont susceptibles d'entendre le plus souvent, et c'est cette histoire de visa. Donc, partie chômage, je vous ai expliqué, il y avait deux règles. Et cette réforme a touché les deux règles, règle du cachet, protection de l'intermittente. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'ancienne formulation de ces règles, il y avait de nombreuses incohérences. Notamment, la première, la règle du cachet, commençait dans le texte de loi par les mots « pour l'artiste de spectacle et l'artiste musicien, virgule, blablabla, blablabla, explication de la règle ». Bon, quand une loi dit « pour l'artiste de spectacle et l'artiste musicien », c'est assez difficile de la faire appliquer à autre chose qu'un artiste de spectacle et un artiste musicien. Très concrètement, ça voulait dire que les photographes, les peintres, ce qu'on appelle plus généralement les plasticiens, étaient exclus de l'application de ce mécanisme où on allait compter l'argent plutôt que le nombre de jours de travail pour accéder au chômage. À l'inverse, la protection de l'intermittence était, dans la loi, beaucoup plus large, puisqu'elle disait « pour les personnes qui travaillent exclusivement dans des contrats courts ». Elle ne faisait même pas mention d'un secteur particulier, ce qui voulait dire qu'a priori, n'importe qui travaillait avec uniquement des contrats courts, c'est-à-dire des contrats de moins de 3 mois, pouvait bénéficier de cette protection. L'ONEM, voyant ça venir, s'est dit « Ouh, c'est beaucoup trop large, ça ne va pas empêcher la dégressivité du chômage. On n'a pas l'argent pour donner un chômage non dégressif à tous les gens qui n'ont que des contrats courts. Donc nous, on va lire ça. On va, dans notre lecture, on rajoute un petit « ceci ne s'applique qu'au spectacle ». Bon, problème, c'est que ce n'était pas écrit dans la loi et que toute une série d'associations, dont la nôtre, sont allées au procès pour faire valoir les droits à cette protection pour les personnes travaillant hors du spectacle. Donc, on a gagné, fin d'année passée, plus d'une centaine de procès pour des plasticiens, principalement des plasticiens, des graphistes, etc., qui étaient exclusivement employés dans des contrats courts et auxquels l'ONEM refusait d'appliquer cette protection sous prétexte qu'ils n'étaient pas dans le domaine du spectacle, alors que rien n'y est obligé dans la loi. Donc on se retrouvait, comme pour résumer, avec des lois censées concerner les artistes, mais qui n'étaient pas ni très claires, ni très cohérentes entre elles. Le politique et les syndicats, tout le monde était d'accord pour dire que la première, par exemple, la réserver au spectacle et aux musiciens en excluant les autres artistes, c'était absurde, mais la loi était écrite comme ça, donc il fallait changer quelque chose. Bref, les gens, les politiciens se mettent au boulot, et mettre sur pied la réforme. Réforme qui va changer deux choses. Elle va élargir, en tout cas elle va uniformiser la population à laquelle ces mécanismes s'appliquent. La règle du cachet, la protection de l'intermittence, dans le nouveau système, c'est défini, ça s'applique à tous les artistes, quel que soit leur secteur d'activité, que ce soit interprète ou créateur, que ce soit le spectacle ou non, ça s'appliquera à tout le monde. Et d'une certaine façon, aux techniciens, le cas des techniciens est traité à part, mais pris en compte. Donc la nouvelle loi uniformise à qui s'appliquent les mécanismes. Mais mécanismes de balancier, on se doute bien qu'en période de crise, l'ONEM n'a pas plus d'argent qu'avant. Et donc le deal, entre guillemets, c'était... On affirme bien que c'est pour tout le monde, mais en échange, on durcit toutes les règles. Donc toutes les conditions sont durcies, toutes les conditions sont un peu plus difficiles à atteindre. L'idée derrière ça étant que si on admet bien que c'est pour plus de gens, en mettant des règles plus difficiles, en fait, on se retrouvera avec le même nombre de gens qui en profitent. Des gens de profils plus différents, puisque maintenant on aura aussi des plasticiens, etc. Mais il y aura moins de gens de tous les secteurs, puisque les règles sont plus dures, et donc au final, l'ONEM maintient ce qu'ils appellent leur neutralité budgétaire, donc le fait que ça ne coûte pas plus d'argent qu'avant. Ça, c'est les grands principes derrière la réforme, c'est élargissement et uniformisation des gens à qui ça s'applique, tous les artistes et les techniciens d'une certaine façon, mais règles plus difficiles. Et j'y reviendrai juste après. Un mécanisme vraiment important à noter, parce que c'est celui qui fait vraiment le plus débat pour le moment là-dessus, dans les durcissements des conditions, parmi beaucoup d'autres choses, il y a une chose qui fait vraiment beaucoup débat, c'est ce qu'on appelle un mécanisme de recouvrement d'allocation, qui dit quoi ? Qui dit que c'est une règle du cachet inversée, c'est quelque chose qui dit, si vous travaillez pour une certaine somme, on va calculer le nombre de cases que vous devez cocher. Donc quand on est au chômage, on doit noircir des cases sur une carte pointage. Et c'est les jours où on ne touche pas d'allocation. Normalement, c'est les jours où on travaille. Et bien maintenant, ce sera, dans certaines situations, calculé non plus sur le nombre de jours qu'on a réellement travaillé, mais aussi sur le montant qu'on a gagné. Donc parfois, ça pourra arriver qu'on travaille une journée et qu'on doive... On ne devra pas vraiment noircir, je simplifie techniquement comment ça va se passer, mais qu'on perde non pas une allocation de chômage comme c'était le cas dans le passé, mais deux, trois, voire plus suivant le montant qu'on a gagné. Voilà, ça c'est la mesure qui fait le plus débat pour le moment dans les mesures de durcissement. Ce n'est pas la seule qui fait débat, mais c'est celle qui fait le plus débat. T'as compris François ? Qu'est-ce qui se disait ? Oui, je prends des notes et tout, et j'essaie de digérer l'information, quoi, parce que... Mais oui, c'est assez clair. J'ai pas de questions particulières. Donc moi, je suis François, en fait, et donc je suis comédien. C'est pour ça que je suis là avec Graziella pour cette radiophonique. Mais donc, alors, moi, si j'ai bien compris, parce que c'est ça l'idée, hein, donc vous expliquez quelque chose, je le réintègre. Alors, c'est vrai, Grazi, elle comprend rien, jamais, la fille... Non, c'est pas vrai, hein, mais... Donc, en gros, quand on noircit une case, d'accord, c'est une journée de travail. D'ailleurs, on ne sait même pas si c'est... Oui, à la base, c'est une journée de travail, quoi. C'est d'office. Mais du coup, c'est... Il y a une allocation de chômage, si je comprends bien, qui tombe. Et c'est aussi savoir que derrière cette petite case noire, combien il coûte, en fait, combien vous avez reçu, alors qu'à la base, ça ne regardait pas le chômage, ou j'invente ? C'est tout à fait ça. Ce mécanisme... Donc pas le mécanisme de reconversion que je viens d'expliquer, mais le mécanisme de noircir des cases, il est commun à tous les chômeurs, qu'ils soient artistes ou non. N'importe quelle personne au chômage, quand on l'engage pour un travail à durée déterminée, puisque quand on vous engage pour un CDI, vous n'êtes a priori plus au chômage jusqu'à ce que ce CDI se termine, parce que ça arrive, ça se termine avant la pension. Mais si vous avez un engagement, qu'il soit d'un jour, deux jours ou même d'un mois, vous devez marquer les jours pour lesquels vous êtes engagé par un employeur sur une carte qu'on appelle une carte de pointage. Et évidemment, ces jours-là, puisque vous êtes salarié et que vous avez un salaire, ces jours-là, le chômage ne vous verse pas d'allocation. Donc ce mécanisme-là, il existe pour tout le monde et pas que les artistes. Pour n'importe quel intérimaire, c'est le cas aussi. Pour n'importe quelle personne sous CDD aussi, en fait. Et la règle générale pour tout le monde, c'est effectivement que quand on noircit, prenons l'exemple le plus simple d'un contrat d'un jour, vous noircissez votre case, vous perdez le montant de votre allocation de chômage. En fait, elle n'est pas mensuelle. On vous la verse tous les mois ou on la verse au chômeur tous les mois. Mais en fait, on reçoit un certain... ce montant est calculé à la journée. Et à la fin du mois, on reçoit le nombre de journées chômées multiplié par ce montant-là. Et bien, les jours où vous cochez, vous perdez un jour de chômage. Ça peut être, disons, 35 euros. Et que votre salaire ait été de 35 euros, de 60, de 80 ou de 200 euros pour la journée, le principe général, c'est je travaille un jour, le chômage ne me donne pas d'argent ce jour-là, et j'ai mon salaire à la place. Mais le montant de mon salaire n'a pas de relation avec le montant que le chômage ne me verse pas, puisque c'est juste ce jour-là, je ne suis pas au chômage, ce jour-là, je n'ai pas mon allocation. Mais c'est le cas pour tout le monde. Si vous êtes engagé pendant un mois quelque part, en tant qu'employé classique, le chômage ne vous paye pas ce mois-là et il ne vous dit pas « Oui, mais vous avez été bien payé ce mois-là, donc on ne vous payera pas le mois suivant non plus. » C'est le principe de base du chômage, c'est le jour où je travaille, je n'ai pas le chômage, et le jour où je ne travaille pas, j'ai du chômage, indépendamment de ce que j'ai gagné avant ou que je gagnerai demain. Ouais. Moi, je comprends bien évidemment le grand principe qui est expliqué, mais ceci dit, dans les faits, je dois quand même témoigner, moi comme comédien... d'avoir été nombre de fois employé par un théâtre, je répète pendant un mois, je joue pendant un mois, je suis payé pendant un mois, mais j'ai travaillé deux mois. Et ça, c'est des choses qui sont arrivées et qui arrivent, à mon avis, encore dans le processus de création. Ça veut dire que c'est très difficile de dire... Et voilà, en fait, je suis sous contrat à partir du moment où je joue. Mais toutes ces répétitions, voilà. Et alors du coup, je me sentais en porte-à-faux à l'époque parce que je me disais, ben, je noircis pas mes cases pendant les jours de répétition et pourtant je suis quand même normalement sur le marché de l'emploi. Bon, je sais que ce sont des remarques qu'on n'évoque pas souvent, mais qui font partie quand même de la réalité. Et donc, à la limite, je comprends que quand on touche au cachet pour une représentation, mettons 300 euros, toutes charges comprises, pour un jour de représentation, on a répété. Alors évidemment, pour se mettre tout à fait dans la loi par rapport à la recherche d'emploi et à ce que l'ONEM et le FOREM exigent de ces chômeurs, on évitait de répéter pendant la journée, en sachant que normalement on est libéré de nos responsabilités de chômeur et de recherche d'emploi à partir de 18h, si je ne m'abuse, quelque chose comme ça. Donc on essayait de faire un maximum de répétitions le soir pour ne pas se mettre en porte-à-faux avec l'indemnité qu'on recevait ce jour-là. Je ne sais pas si j'ai été clair. Mais du coup, voilà, ça c'est une des réalités qui est aussi à prendre en compte finalement. Et quand j'entends cette règle nouvelle... qui peut être critiquable, j'imagine, de, on gagne une certaine somme, et après, on va devoir noircir plus de cases que le jour où on est sous contrat, si j'ai bien compris, c'est ça, hein, l'histoire. Elle peut s'expliquer aussi, peut-être, par ce que je viens de dire, quoi. Alors, le fait qu'il y ait une part de travail... non rémunérés dans le secteur, que ce soit dans le spectacle, que ce soit dans les arts plastiques où le temps de création d'une œuvre prend parfois plusieurs journées et où le prix de vente de l'œuvre ne couvrirait jamais le salaire. C'est un fait qui existe. Mais est-ce que c'est de la faute ? Donc le nouveau système, il remet tout sur le dos du travailleur, c'est-à-dire de l'artiste ou du technicien. C'est-à-dire qu'on lui dit, parce que tu n'as pas été payé en répétition, on va te les récupérer sur ton cachet de ton spectacle. Je connais peu de comédiens qui ont dit à leur employeur, et ne m'engage pas pendant les répétitions, ne tracasse pas, tu peux me payer juste pour le spectacle, moi je serais déjà très content. Ils ne sont pas payés pendant les répétitions parce que leur employeur ne les salarie pas pendant cette période-là. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas les moyens de le faire ? C'est parce qu'il n'y a pas d'argent dans la culture, parce que l'argent est utilisé à d'autres fins à certains moments. Il y a mille raisons qu'il explique. Et donc, c'est une réalité, mais c'est une réalité une chose est certaine, qui n'est pas du fait ou de la volonté de l'artiste travailleur. Donc, c'est un peu dommage qu'à nouveau la réforme... À Liège, on dit « c'est Todi les petits qu'on se proche ». et c'est toujours, c'est pas vraiment une sanction, c'est le mécanisme, il a peut-être une logique, comme tu le dis, mais pourquoi est-ce que c'est toujours chez le petit, chez l'artiste, chez le dernier qu'on va chercher le mécanisme pour compenser la réalité, alors qu'on pourrait mettre en place d'autres mécanismes pour éviter qu'il y ait des répétitions ou des périodes de création non payées. Je ne dis pas que c'est facile, je ne propose pas de solution toute faite, mais il y a d'autres choses qui pourraient être faites que de taper de nouveau sur le petit, sur le travailleur, sur celui qui est au bout de la chaîne. Parce que ce n'est pas lui au départ qui a voulu sa part de travail non rémunérée. Et les jours où il a travaillé sans être salarié, parce qu'on ne lui a pas proposé de contrat pour ces jours-là. Oui, et ensuite aussi, il y avait c'était pas possible de toucher la même somme et d'étaler ça sur l'ensemble des répétitions. On serait en dessous du minimum syndical journalier. Voilà, donc du coup, alors, si on devait étaler de façon scrupuleuse sur tous les temps de répétition, etc., et tout, ben, on toucherait plus rien, quoi. On n'aurait plus rien en main. Donc effectivement, de toute façon, c'était piégeant, quoi, pour les artistes, oui. D'autres critiques, parce que tu disais dans un premier temps, ben voilà, j'énumère, là, là, là, et qu'est-ce que tu aurais d'autres critiques à faire, positives ou négatives, hein? Voilà, donc on va repasser dans l'ordre de ce que j'ai dit. J'ai d'abord parlé de l'existence, la mise en place d'un visa pour pouvoir effectuer les prestations premier bis, c'est-à-dire, de nouveau, je le rappelle, des personnes qui agiraient comme des indépendants, mais qui voudraient quand même être salariés pour bénéficier de la protection sociale des salariés. Cette réforme n'a pas que des points négatifs, et notamment, le point positif de cette partie-là, c'est pas le visa en lui-même, c'est que, auparavant, la définition d'une prestation artistique était inscrite dans la loi, et disait, une prestation artistique, c'est la création, l'exécution ou l'interprétation d'une œuvre artistique dans le domaine de... Et puis, il y avait une liste de domaines. Des arts plastiques, des arts de la scène, de la littérature. C'est très bien d'avoir une définition, c'est déjà ça. Le problème d'une définition écrite et gravée dans le marbre dans une loi, c'est qu'une loi, c'est difficile à changer, qu'on se retrouve avec une liste de secteurs établie en 2002 et déjà maintenant, en 2014... On se rendait compte que, ah bah tiens, il n'y a pas les arts numériques. Ah bah oui, c'est vrai, en 2002, les ordinateurs, Internet, c'était le début, c'était encore les modems qui font bip, bip, bip, bip. Il n'y avait pas encore d'arts numériques, ils ne sont pas dedans. On pourrait, en cherchant un peu, dire oui, art plastique, art numérique, on va dire que c'est la même chose, mais elle était quand même relativement peu évolutive face à une réalité de terrain qui évolue tout le temps. Donc la nouvelle loi, elle dit, elle retire la définition de prestation artistique, puisqu'elle dit, pour faire ce type de contrat, il faut demander un visa artiste, et ce visa est délivré par une commission qui va déterminer la méthodologie et les critères qu'on utilise pour définir ce qui est une prestation artistique ou non. Donc l'avantage, c'est qu'on retire une définition gravée dans la loi par le renvoi à une commission qui... Alors, il y a des gens qui disent « Ah, une commission, c'est horrible, les commissions, elle va juger de mon travail, etc. » C'est une façon de voir. Maintenant, à un moment, il faut bien que quelqu'un, quelque chose, quelque part, trace une ligne en disant ça, ce sera une prestation artistique. Pas ça, c'est un artiste et ça, ce n'est pas un artiste. C'est la prestation qui est effectuée là. Est-ce qu'elle est artistique ou non? Il faut bien à un moment qu'on le définisse quelque part. Il y en a qui diront oui, mais cette ligne, on ne peut pas définir en une phrase une prestation artistique. D'autres diront peut-être les mêmes, pas une commission qui peut décider. Mais il faut bien décider d'un endroit. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on le renvoie à des gens. Une commission dont la composition est censée, j'y reviendrai après puisqu'elle n'existe pas encore en fait, est avoir une composition favorable au vu du secteur, puisque dans la commission il y a plus de personnes du secteur que des administrations. Et donc c'est ces gens qui vont discuter ensemble de comment ils vont définir une prestation artistique et qui vont analyser dossier par dossier. Et donc cette définition va pouvoir évoluer au fur et à mesure du temps, et si des nouvelles formes d'expression apparaissent, elles vont pouvoir être intégrées au fur et à mesure dans leur définition d'une prestation artistique, ce qui n'était pas possible avec une définition figée auparavant. Donc ça, c'est une avancée intéressante, ou potentiellement intéressante, puisqu'elle dépendra de l'attitude que va prendre cette commission par rapport à l'attribution des visas. Mais en essayant de ne pas voir du noir partout et de penser positif, on se dit que c'est en tout cas plus souple. La nouvelle méthode adoptée est plus souple que l'ancienne qui se basait sur quatre lignes dans un arrêté royal, dans une loi, Cadling qui était entre guillemets immuable et que chacun était libre ou même devait interpréter à sa guise et qui créait des disputes sur le terrain. Voilà. Il y a à côté de ça des aspects négatifs, mais je vois que... Ouais, non, moi je me disais, je vais demander, puisque prochainement je vais être sous contrat, donc je vais devoir faire cette démarche de demander mon visa d'artiste. Une fois que je l'ai. Et alors tu disais que le visa c'était pour les contrats d'artiste et non pour la fonction même de l'artiste. Mais c'est quand même un visa qui s'appelle visa d'artiste. Donc c'est quand même pour définir si je suis ou non un artiste. C'est ça que je comprends pas très bien. Et alors une fois que je l'ai à vie, c'est bon. Je vais pas devoir le repasser chaque fois que je présente un contrat premier bis quand même. C'est là qu'on arrive sur les points plus... En même temps, les critiques et en même temps les points qui restent en suspens. La première critique est justement le fait que c'est honteux de passer une loi fin décembre, de dire qu'elle sera d'application au 1er janvier, donc depuis le 1er janvier, pour effectuer ce type de prestation, premier bis, il faut avoir un visa. Sauf que la commission n'existe pas encore, n'est pas nommée. Pour être nommé, il faut un arrêté royal qui dit « les membres de la commission sont ceux-là ». Et puis, il faut qu'ils se réunissent et qu'ils disent « tiens, c'est quoi nos critères ?» Qu'ils en débattent. Et puis après, il faudra un autre arrêté royal pour dire « les critères, les premiers jeux de critères de la commission seront les critères suivants ». Et donc, avant qu'elle ne soit vraiment effective, ça va prendre du temps. Mais il y a une période transitoire pour le moment où tout le monde est dans le flou. On ne sait pas. Donc un des plus grands reproches qu'on peut faire sur cette réforme, c'est on a voulu un truc avant les élections, hein, soyons clairs, et au final on se retrouve avec un truc qui est mal ficelé parce qu'arrivé trop tôt, aucune mesure transitoire prévue, rien n'est prêt, et les gens sur le terrain sont dans l'expectative. Deuxième chose, ça c'est plutôt dans les parties dont on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que le visa il sera valable pour 5 ans. Donc tous les 5 ans, il faudra redemander, etc. Donc c'est une durée relativement longue, donc ça, ce n'est pas le plus gros problème. Le plus gros problème, effectivement, c'est, comme je l'ai dit, il est clairement écrit dans la loi que le visa, il ne va pas déterminer si tu es artiste ou non, il va déterminer si tu effectues des prestations artistiques contre rémunération. Déjà, on peut être artiste et décider de ne pas vendre ses prestations artistiques. Donc il va avoir pour mission de trancher sur la nature de ce que tu fais et pas sur la nature de qui tu es. Tu peux te considérer artiste sans avoir besoin de demander un visa pour l'attester. Mais si tu veux faire des prestations rémunérées dans un certain type de contrat, il faudra obtenir ce visa qui dit « les prestations que je vais faire là sont de nature artistique ». La question, c'est comment ils vont relier ça à des gens, parce que c'est le visa, ils le donnent à des gens, ils ne le donnent pas à des contrats, puisqu'il est valable pendant 5 ans. C'est comment est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont le donner pour certaines de tes fonctions et pas pour d'autres? Puisque une fois que tu as le visa, après tu vas faire toute une série de boulots, et si un jour tu décides de faire un peu de plomberie pour arrondir tes fins de mois, est-ce que tes prestations de plombier deviennent droit artistique juste parce que tu as un visa? Ça, c'est des choses qui sont inconnues. Donc, ce sont les fameuses choses dont je disais tout à l'heure que c'est la pratique qui nous permettra de déterminer dans quelle direction on va. Mais il y a d'autres problèmes avec... Ce visa, l'autre problème, indépendamment du fait que le problème actuel, c'est que c'est le flou pour tout le monde, et que les gens ne savent pas, il n'y a pas de visa, il n'y a pas de commission, elle ne délivre même pas d'accusé de réception des demandes. L'autre problème, c'est peut-être un problème insoluble, puisque l'idée de la commission est là, c'est une démarche administrative en plus pour les artistes. Demander le visa, même si c'est que tous les 5 ans, c'est un truc en plus, et ce ne sont déjà pas la population la plus épargnée par l'administratif. Rien que du fait qu'ils enchaînent des contrats, mais les gens qui écoutent et qui sont dans un contrat à durée à déterminer, ils se souviennent peut-être quand on commence un boulot, il y a un peu de paperasserie à faire. Et ben, pour les artistes, c'est juste récurrent. Ça arrive tout le temps, et eux, ils ont ça, ils ont aussi la sortie du boulot, donc la gestion des C4, se réinscrire, dire au forum « Ah, mon contrat, c'est fini », dire au forum, c'est Actiris à Bruxelles, dire à l'ONEM, donner les papiers à l'ONEM pour dire « Maintenant, vous pouvez me redonner du chômage jusqu'au travail d'après », etc. Donc la vie administrative d'un artiste ou d'un travailleur du secteur de la création n'est déjà pas facile, il y a déjà pas mal de paperasserie à faire, et cette demande de visa en rajoute encore une. Voilà, c'est peut-être inévitable, c'est une petite critique qu'on peut faire, c'est les indépendants s'en plaignent régulièrement. Ils disent, en Belgique, on a trop de démarches administratives. Une de leurs demandes numéro un régulièrement, c'est simplification administrative, simplification administrative, simplification administrative. Et pour les artistes, on a pris le processus inverse, c'est complexification administrative, complexification, complexification. Et c'est dommage, on peut le regretter, qu'aujourd'hui, pour créer en Belgique ou pour pratiquer un art, il faut avoir de la personnalité, il faut avoir de l'originalité et il faut avoir fait 10 ans d'études en droit social pour pouvoir s'en sortir dans les papiers. C'est quand même un peu dommage. Voilà, ça c'était les reproches pour le visa. Comme ça, une question si ça tombe tout ça, tout ce qu'on vient de causer là, ça ne va pas exister. Le visa, les machins, les bazars là. Ça va pas se faire si ça tombe tout ça. Puisqu'il y a encore rien qui existe, il y a juste une réforme qu'on entend parler, oui. Le problème c'est qu'il n'y a pas rien qui existe. Il n'y avait rien qui existait fin d'année passée. Malheureusement, maintenant ce qui existe, c'est une loi qui est passée. Le 26 ou le 27 décembre, le Parlement a voté une loi où on dit qu'il faut un visa délivré par une commission. Et donc au jour d'aujourd'hui, il y a besoin d'avoir un visa. Il n'y a personne pour le donner, mais il y a une loi qui dit si tu effectues un type de prestation premier bis et que tu n'as pas le visa, tu n'es pas dans la légalité et tu risques toute une série de sanctions sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Donc, ça tend quand même à dire qu'il va arriver quelque chose. Maintenant, c'est arrivé par le passé. Il y avait eu autre chose qui s'appelle la carte artiste, oui, parce qu'ils aiment bien le visa, les cartes, etc., qui avait été instaurée déjà en 2002 pour effectuer une variante du bénévolat qu'on appelle le RPI, qui est un système de défraiement pour artistes, qui est une variante du bénévolat pour du travail artistique non rémunéré, mais défrayé, pour lequel il fallait ce qu'on appelle une carte artiste. Ça avait été décidé en 2002 et l'organisme censé délivrer cette carte artiste, la même commission, mais sur l'ancienne version, puisque la commission artiste, en fait, là, c'est l'ancienne commission qui doit être enrichie de toute une série de personnes, a dit très rapidement, on n'est pas capable de répondre à toutes les demandes, donc on ne délivrera jamais de carte, donc vous n'en avez plus besoin. Donc ça reste une option possible, mais pour le moment, rien n'indique que c'est vers là qu'on s'oriente. Donc oui, on peut toujours se dire que peut-être que ça n'existera pas. Mais pour nous, en tout cas, Association professionnelle des métiers de la création, ou chez Smart, on ne part pas sur cette hypothèse-là uniquement. C'est une des hypothèses possibles, mais on continue à tout mettre en place et dans les outils proposés par Smart, et dans le conseil qu'on donne aux gens, pour toutes les options, y compris celles où cette commission se mettrait sur pied. Parier sur le fait que, parce que c'est compliqué, parce que ceci, cela, elle ne va pas se mettre sur pied, c'est peut-être un tout petit peu trop limitatif comme option. Et par rapport à ces RPI, justement, régime des petites indemnités, dont j'ai usé énormément de par le passé, enfin énormément, avec les plafonds, avec les pas plus de 7 jours d'affilée, enfin voilà, je connais encore un peu tout ça. Mais j'ai appris qu'il y avait un changement et que ça s'était même peut-être inversé, mais peut-être que j'ai mal compris, du genre que maintenant les artistes ne pourront plus toucher les RPI, mais que c'est justement les gens qui ne sont pas artistes mais qui font des prestations exceptionnelles artistiques qui pourront en bénéficier. Et donc, c'est comme s'il y avait une inversion. Tout à coup, c'est comme si c'était les artistes eux-mêmes ne pourraient plus bénéficier de ces RPI, là, maintenant, à partir de 2014. C'est juste ou pas, ce que je dis? Il y a beaucoup de rumeurs autour du RPI qui sont naturelles suite à l'incertitude qui règne autour du sujet. C'est-à-dire qu'ils n'ont quasi rien changé dans la loi. Ils ont changé une chose et ils ont fait un rappel. Ils ont changé quoi? Ils ont mis une sanction. Ils ont dit, il y aura des sanctions pour ceux qui n'utilisent pas le RPI dans les bonnes conditions. Et ils ont fait un rappel, ils ont dit, et nous rappelons que le RPI ne s'applique qu'aux activités de petite échelle. Point. Et donc maintenant, on se retrouve dans le flou par rapport à ça veut dire quoi une activité de petite échelle ? La réponse classique dans les débats, c'est une escabelle. Mais ça n'aide quand même pas beaucoup les gens, au-delà du trait d'humour, de savoir qu'est-ce qu'on veut dire par là. Et donc, la petite échelle, ça peut avoir trois interprétations. Ça peut vouloir dire, c'est l'interprétation que tu proposais et qui semble de plus en plus à exclure, d'après les discussions qu'on aurait eues avec certaines personnes autorisées, de dire c'est la prestation de l'artiste qui est de petite échelle, donc c'est un amateur, entre guillemets. Ça semble à exclure. Deuxième possibilité, c'est l'employeur, petite échelle, c'est l'employeur, c'est les gros employeurs culturels et autres, ne pourraient pas faire de RPI, ce serait réservé à des petits employeurs. Ou, dernière interprétation, c'est celle qui était avant la réforme, c'est de dire, RPI, c'est d'office de petite échelle, puisque c'est un défraiement, que c'est limité en montant, et c'est limité sur l'année, etc. Donc, le fait de faire un RPI signifie qu'on fait une prestation de petite échelle, et voilà. Mais dans l'incertitude, dans l'attente que soit précisé par un peu plus d'informations, une nouvelle loi qui doit passer encore, et par la commission artiste qui doit trancher là-dessus aussi. Ce qu'ils veulent dire par petite échelle, c'est un peu le bordel pour le moment, parce que personne ne sait. Et donc nous, par exemple, chez Smart, on a décidé d'arrêter de faire du RPI, parce que si c'est l'interprétation, la petite échelle, en fait, c'est l'employeur qu'elle vise, on a du mal à dire que Smart est un employeur de petite échelle, puisqu'en fait, tous les contrats qui passent par nous, nous sommes formellement l'employeur. Et donc, on pourrait nous reprocher d'avoir utilisé ce mécanisme à tort, et donc les sanctions s'appliqueraient non seulement à nous, ce qui nous ferait des coûts énormes, difficiles à assumer, donc qui se répercuteraient sur nos membres, mais aussi pour les membres qui auraient utilisé le RPI dans nos services, ce qu'on ne veut absolument pas. On veut que les outils qu'on propose soient absolument sûrs, sécurisés et sécurisants, et donc on ne peut pas se permettre de continuer à faire ça tant que ce n'est pas clarifié. Alors c'est beaucoup plus clair, je vois qu'il ne reste pas beaucoup de temps de batterie et tout, mais ça veut dire quoi, que c'est la fin de l'interview et que... Ouais, oh, ça a été trop vite là, on n'a même pas eu le temps de développer, ni même de partir. Si quand même, partir. Par rapport à d'autres médias, là on a vraiment pris le temps avec Max. Quelque chose à rajouter? C'est les mots de la fin ici, quelque chose à rajouter Max, comme ça sur tout ça qu'on n'a pas dit, que tu tiens à dire? Profite du micro pour te faire entendre là-dessus. Juste pour dire que on va essayer avec tous mes collègues de continuer à faire ce qu'on fait depuis plus de 2 ans, enfin depuis 12 ans chez Smart, voire 15 ans, mais 2 ans par rapport à ce sujet-là, c'est-à-dire décrypter ce qui se passe et essayer de donner l'information la plus claire. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, soit à visiter notre blog, blog.smartbe.be, soit à prendre rendez-vous avec des conseillers de Smart. Et ce n'est pas de la réclame, c'est vraiment pour vous aider. Si vous avez des questions, on essaye d'avoir les réponses les plus claires possibles sur le sujet. Parce qu'ici, je vous fais de la formation généralisée, mais les conseillers pourront vous dire, dans votre situation, quelles sont les applications concrètes de votre réforme. Donc ce ne sera pas de la formation qu'ils vous feront, c'est du conseil. Vous conseillez, dans votre cas précis, qu'est-ce que cette réforme a comme conséquence et qu'est-ce qu'on vous conseille de faire, quelle est la meilleure chose à faire pour le mieux possible travailler en toute sécurité dans le futur. Et voilà, et beaucoup de courage pour la suite, parce que je crois qu'il va en falloir pour les prochains mois, pour, ne serait-ce que pour assimiler toutes ces nouveautés. On fera ce qu'on peut pour vous aider, mais au final c'est vous qui êtes en première ligne, et donc on fera de mieux pour vous aider, bon courage. C'est déjà un peu plus clair, et puis voilà, on avance effectivement. Dans le flou ambiant, on parvient quand même à retirer quelques idées, quelques repères, quoi. Merci aussi. Merci Max.